J'adore ce morceau. Je le veux, son. C'était magique ce morceau. Thank you. ça dure. Je suis nul. J'ai pas les bons sons.